on a de la haine dans les veines. Des crachats pour les chiennes. Arrête, arrête, si ton rap est trop haïen. C'est ce dog à la prod, gros. On a tellement la dalle, comme vice, gros. Une dédicace à ODI, Genesa et Tilao. J'fais des rimes coupées à la cocaïne. En faux carbure, à l'adrénaline. Trop de MC rap pour la prime. J'ajoute que j'aiguise mes rimes. J'suis un mec solitaire, solide et fier. Tes paroles ne m'attendront pas. J'rappe avec la baraka. J'rappe avec le sol épiné sur mon corps. Et t'as essayé de dire qu'on a tous tort. Allez vous faire enculer. Si mon rap est trop hardcore pour la communauté. Ce pays est plein de trahison. Certains rappeurs sont en mode éjaculation. Quand j'ai la haut rap, certains ont des frissons. Écoute mon son et tu seras en plein hypnotisation. La vie nous a maltraités, l'État veut nous baiser. Depuis petit on vit dans la chaîne. Mandat des pros, direct au parquet. La vie nous a maltraités, l'État veut nous baiser. Depuis petit on vit dans la chaîne. Mandat des pros, direct au parquet. Mon rap est foutu ce bleu. Et si t'es pas marre, ferme ta gueule. Mon flow ne s'enraye pas. Après ce son, ne m'appelle pas Roya. Ok, ok, c'est l'autopsie d'une vie inachevée. Ça y est, l'album est lancé. Je vais me foutre le feu dans le rap français. J'ai la dalle, l'esprit d'enculé. Alors n'essaye pas de me clasher. Car t'as rien à dire, à part que ton rap vaut de la merde. Ça on le sait déjà. L'Algérie c'est mon fardeau. Elle vendrait en LRE. Ça veut dire éventrer le ventre en l'air. T'inquiète la misère, j'en ai bouffé des tonnes. Et ouais, un coup c'est le A, un coup c'est le pomme. Je rappe sur tout sans des tonnes. Et ouais, t'as rien à dire, à part ton rap vaut de la merde. Je tape comme mon impro, si t'as envie. La surprise j'en ai jamais douté. J'ai pas besoin de ça pour me faire respecter. La vie nous a maltraités, l'État vient nous baiser. Depuis petit on vit dans la chaîne. Mandat des pros, direct au parquet. La vie nous a maltraités, l'État vient nous baiser. Depuis petit on vit dans la chaîne. Mandat des pros, direct au parquet. Mandat des pros, direct au parquet. Ok, ok.